je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Ludologie, un numéro où on va parler pognon. Et oui, pour changer de ce qu'on fait d'habitude, où on est plutôt dans les hautes sphères, dans le créatif, dans le sociétal, où on se pose les questions de comment le jeu va changer le monde, aujourd'hui on se pose les questions de comment le monde va se payer des jeux. Et pour ça, on reçoit deux invités au lieu d'un, on a de la chance aujourd'hui. On reçoit Michael Péfer, qui est le directeur créatif de Miklo Studio. Miklo Studio, on vous en avait parlé déjà il y a quelques temps quand on avait reçu Fibre Tigre, qui a produit avec Miklo Studio le jeu Outzer. J'imagine qu'on en reparlera un petit peu pendant le podcast. Et puis Thomas Bidot, qui est consultant chez Ico Partners. Il nous détaillera peut-être un petit peu plus en quoi consiste la société dont il fait partie, et qui est spécialiste notamment du financement participatif. Questionnement qu'on ne peut pas ne pas se poser aujourd'hui quand on parle de jeux, et puis notamment de jeux vidéo. On va attaquer par là, même si bien évidemment on élargira. Je suis en compagnie d'Adrien, qui va co-animer le podcast avec moi. Bonsoir Adrien. Bonsoir Manuel. Et puis du coup, bonsoir à nos deux invités, Michael Péfer et Thomas Bidot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai envie de poser en premier lieu une question qui est peut-être un peu l'ouverture facile, mais n'ayons pas peur de la facilité. Je vais peut-être plus me tourner dans un premier temps vers Michael. Michael, dis-moi, toi qui as déjà participé à la production de plusieurs jeux vidéo au sein de Miklo, traditionnellement, comment est-ce qu'on finance un jeu vidéo ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? En fait, nous, on a un peu fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour les financements, enfin, pas du tout les canaux traditionnels. Donc, en fait, on a commencé par faire l'autofinancement. Donc, le premier gros financier de Miklo Studio, c'est Pôle emploi. Donc, pendant un an, j'ai touché mon chômage, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai pu faire un premier jeu, Space Disorder, qui est sorti sur mobile. Et la deuxième année, Outzer, qui est sorti aussi après sur mobile. Et en fait, fort du succès de Outzer, ça nous a permis de financer le studio depuis qu'il est sorti, depuis 2014, et ainsi travailler sur différents projets. Voilà, on n'a pas encore fait appel à des financements externes. Mais pour les projets, les futurs projets, justement, on va faire appel à d'autres sources de financement, donc principalement des éditeurs. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas de projet de financement participatif. Mais voilà, aujourd'hui, on a envie de faire des jeux plus ambitieux, et forcément, on peut pas non plus financer des triple A et tout ça. Donc comme on a envie un peu de grossir, de faire de plus gros jeux, on a besoin aussi de partenaires financiers pour nous aider à faire cet objectif. Je vais poser une petite question avant peut-être d'aller plus loin dans le financement un peu traditionnel, parce que pour le coup, tu n'étais pas le premier à nous dire que Pôle emploi est le financeur de jeux et d'entreprises en règle générale. Je crois que c'était Florent Morin qui nous avait dit ça il y a déjà 2 ans. Quelle est leur réaction, ces agents Pôle emploi, quand on leur dit en fait, vous allez me servir à financer mon jeu? Est-ce qu'il faut le cacher? C'est quoi le bon plan entre, c'est un peu concombre comme ça, mais... En fait, moi, j'ai un peu été étonné, puisque je suis allé à un premier rendez-vous en disant que j'avais un projet d'entreprise, créer des jeux vidéo, etc., des jeux mobiles. Ils m'ont dit OK. Je suis au deuxième rendez-vous, troisième, je ne sais plus, et là, je leur ai expliqué que ça avait bien évolué. J'ai montré l'avancement. Et ma conseillère Pôle emploi m'a dit OK, vous n'avez plus besoin de venir. Donc, du coup, j'ai fait deux, trois rendez-vous chez Pôle emploi et après, ils ne m'ont plus jamais rappelé. Ils m'ont dit, c'est pas la peine de revenir, on voit que vous êtes sur votre projet. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si on a un vrai projet, Pôle emploi, ils sont derrière nous. Et voilà, je pense que c'est après, ils font un peu ça au feeling, mais je pense pas que ce soit, enfin, je pense pas que Pôle emploi mette des bâtons dans les roues dans ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent réaliser des projets. Au contraire. Ouais. Après, bon, j'imagine que ça demande quand même de s'actualiser tous les mois, ceux qui sont au chômage peut-être connaissent ce truc-là. Mais la question que j'ai envie de poser, parce que c'est quelque chose que je lis à droite à gauche, j'ai l'impression de lire souvent justement qu'il faut créer sa boîte le plus tard possible dans la réalisation d'un premier jeu. C'est vrai et pourquoi c'est vrai? Alors, en fait, par de la nature de cette industrie de jeux vidéo, qui est très risqué, donc c'est un peu comme le poker, hein. Quand on sort un titre, on ne sait jamais si ça va prendre ou pas. Bien sûr, avec l'expérience, on peut un peu limiter les dégâts, mais bon, bref, créer une boîte, c'est beaucoup de démarches, ça peut coûter de l'argent, enfin voilà, il y a des investissements à faire. Avoir une entreprise, c'est pas rien en fait, c'est pas juste avoir un nom et c'est tout, c'est des charges qui vont en plus, tout ça. Donc, je pense que quand on commence, c'est vraiment bien de pas s'enfermer dans une structure qu'on va monter. Moi, en fait, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que je suis passé par comment on appelle ça, une coopérative d'entrepreneurs en fait, qui vous permet d'exister juridiquement sans avoir à monter une structure. Donc, en fait, c'est simple, on va à cette coopérative, on signe un contrat avec eux, et ensuite, on peut utiliser le numéro de Siret de cette entreprise pour ensuite, par exemple, faire facturer, ou ben, pas moi, dans mon cas, c'était créer un compte professionnel sur Apple, sur Google, pour pouvoir ensuite mettre mes jeux. Et tout ça sans avoir à monter une structure. Donc, en fait, on a tous les avantages sans les inconvénients. S'il y a quand même un inconvénient, c'est qu'ils prennent un pourcentage des bénéfices, enfin, la coopérative prend un pourcentage des bénéfices, mais en même temps, ils s'occupent de toute la comptabilité, tout ce qui est administratif, etc. Donc, c'est mutualisé avec tous les entrepreneurs. Donc, ça, c'était une bonne solution, c'était vraiment une très bonne solution pour commencer. Par contre, après, quand on commence à faire un chiffre d'affaires assez conséquent, là, c'est le moment d'ouvrir une entreprise. Et tu parlais d'aller voir des financeurs pour les prochains projets. À quel moment on va voir des financeurs? On a déjà produit des choses sur le jeu, on a déjà fait du développement, on a déjà fait du graphisme, ou on a juste un pitch et son catalogue? Donc ça après c'est un peu au cas par cas enfin déjà est-ce qu'on va avoir des publishers, est-ce qu'on va avoir des financiers, enfin voilà, par rapport Alors c'est quoi la différence déjà entre publisher et financier? Parce que nous, on n'y connaît rien. à moi je ne connais pas grand-chose non plus, hein, je découvre au fur et à mesure, mais surtout les financiers, mais les financiers c'est plus des gens qui vont prendre des parts dans la société, et les publishers c'est plus des gens qui vont financer le projet plutôt que prendre des parts dans la société, donc c'est assez différent. Voilà. Thomas, je pense que la question se pose de la même façon quand on va sur Kickstarter ou sur Ulule ou sur d'autres plateformes de financement participatif. J'imagine que chaque approche est unique, hein, mais comment est-ce qu'on sait à quel moment y aller parce que on peut pas y aller avec juste trois lignes de texte. Plus le développement du financement participatif avance, plus on voit qu'il y a de la production en amont du financement. Oui. Le financement participatif, c'est compliqué à plein de niveaux. Et une des choses qui est compliquée, c'est que c'est pas une très bonne solution pour initier un projet depuis le début. C'est un peu le paradoxe du nom de Kickstarter, c'est que dans le jeu vidéo, en tout cas, on commence pas grand-chose. Le start, il est pas au moment de la campagne. Effectivement, ce qui est mentionné, le fait que ça a évolué ces dernières années. Reflète ça de manière assez flagrante. Moi, donc je travaille sur tout un tas de campagnes et une de mes recommandations, c'est d'avoir une démo du jeu au moment où on lance la campagne de financement participatif. Et une démo de jeu, ça implique d'avoir un certain état d'avancement sur son projet. Du coup, le financement participatif, à l'heure actuelle, ne joue pas le rôle de financement dans son intégralité. C'est souvent un complément d'investissement et c'est souvent fait pour financer le jeu, mais pas que le jeu. Voire parfois même, c'est pour financer autre chose que le jeu. C'est pour financer son plan marketing, c'est pour financer tout un tas d'actions qui ont lieu autour du jeu. Mais le jeu en lui-même, son financement a été sécurisé par un certain nombre de méthodes en parallèle. Financement, alors rarement des éditeurs, même si ça existe, mais souvent en autofinancement, avec de l'investissement extérieur, avec des aides, parce qu'il y a aussi des aides qui sont soit spécifiques aux jeux vidéo, soit spécifiques par exemple à une région, et qui permettent d'enclencher la machine. Avant peut-être d'aborder cette question des aides qui émergent de plus en plus, je vais juste poser une question pour resituer aussi dans quel contexte tu dis ça. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est EcoPartners ? Parce que c'est peut-être pas forcément très commun pour tout le monde. EcoPartners, c'est plein de choses. Dans le contexte qui nous intéresse là, j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo depuis un certain temps. En 2008, j'ai monté la société pour faire du conseil. Et donc du coup, j'ai accompagné des gens sur leurs projets, et c'est basé sur mon passé. J'ai travaillé chez un éditeur de MMO, chez NCSoft. J'aide les gens à la stratégie d'édition de jeu, donc comment les distribuer, comment faire le marketing, etc. etc. On fait d'autres choses, hein, mais c'est dans les grandes lignes. Et il se trouve que j'ai attrapé le virus du crowdfunding en cours de route. 2011-2012, j'ai trouvé que c'est à titre personnel, je trouve que c'est une méthode intéressante de créer une relation avec les créateurs, de financer les jeux et les projets de manière générale. Et donc du coup, j'ai développé cette expertise sur le tas. Elle vient pas de mon expérience professionnelle précédente, à travers deux choses. La première chose, c'est les données. Je fais beaucoup de recherches sur la base de données. Donc du coup, on a créé une masse de données sur Kickstarter. On extrait des data tous les jours de Kickstarter qu'on redécoupe, qu'on réanalyse, qu'on cherche à interpréter de différentes façons. Et de l'autre côté, en travaillant avec des créateurs de projets sur leur campagne de crowdfunding, en les accompagnant, en les aidant sur quelles étaient les best practices en anglais, donc les meilleures pratiques, l'état de l'art en termes de comment présenter son projet dans une campagne de crowdfunding. Et donc du coup, j'ai un peu cette double casquette analyste global du crowdfunding et on va dire consultant qui accompagne un certain nombre de projets. Alors à différents états, il y a des gens qui ont très peu de budget, donc j'essaie de les aider, mais c'est souvent des actions ponctuelles. Ils m'envoient leur campagne et je leur fais un diagnostic de l'état de la campagne tel que je l'interprète. Et de l'autre, enfin d'autres types de campagnes qui sont des campagnes généralement avec d'efforts potentiels. Ils ont une marque, ils ont des noms associés à eux qui sont très forts, ils ont des budgets pour faire aller leur campagne plus loin. Et là, je travaille en tant que consultant. Avec les équipes, je les accompagne sur comment bien présenter les campagnes, quels sont les types de contreparties qui marchent bien. Je les aide aussi sur un exercice compliqué qui est de définir les objectifs financiers, parce que c'est là où on utilise un peu les données qu'on récolte chaque jour. C'est que c'est pas forcément simple pour des gens qui font une campagne tous les 2 ou 3 ans de comprendre l'état du marché, le potentiel qu'ils ont avec leur projet. Donc du coup, je les aide aussi à rationaliser et leur dire oui, vous voudriez faire 1 million d'euros, mais à l'heure actuelle, avec tel projet, c'est pas possible. Donc revisez vos objectifs à la baisse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tant d'argent, comment on peut le présenter tout en étant le plus honnête et transparent possible. Je vais avoir une réaction faussement naïve. Ça coûte des sous de faire une campagne Kickstarter. Je savais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça coûte ? Tout coûte de l'argent. C'est-à-dire que même les gens qui font pas appel à des consultants, ça prend du temps. Alors, je pense que c'est un peu la fausse promesse du crowdfunding quand on le voit d'extérieur. Je suis désolé pour les anglicismes. Donc, pour les auditeurs, j'habite en Angleterre, donc je suis désolé si je fais beaucoup d'anglicisme. Donc, moi, en fait, en tant que développeur, c'est vrai que je suis pas hyper, je suis pas attiré par le Kickstarter, enfin par le crowdfunding, excusez-moi, parce qu'en fait, quand je vois finalement les fonds qui sont levés sur les projets assez récents. Et vu l'énergie, les ressources et l'argent que ça coûte de faire une campagne Kickstarter, je me dis, je vais pas faire un Kickstarter pour financer la campagne Kickstarter. donc en fait, c'est un peu ça, moi, qui me freine dans le crowdfunding, parce qu'on a, nous, on préfère mettre des ressources dans avancer le projet. Mais voilà. Voilà, c'est ça qui est important de retenir, c'est que même quand c'est entre guillemets gratuit, c'est-à-dire que même quand on ne fait pas appel à des consultants ou des agences ou quoi que ce soit, c'est une distraction. C'est clair que ça prend. Ouais, il faut une personne qui soit attitrée à ce rôle-là. Voilà. Moi, je présente souvent une campagne de crowdfunding comme un lancement de jeu. C'est-à-dire que c'est la même énergie que si on lance son jeu. Il faut un trailer, il faut une campagne de com, il faut avoir une audience. C'est-à-dire qu'on ne commence pas de zéro dans le crowdfunding. Il faut déjà avoir une audience, sinon ça ne marche pas, en fait. Et c'est dur. Mais ça a aussi un autre avantage. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux se planter sur son crowdfunding que de se planter sur son lancement de jeu. Moi, j'ai vu des projets qui, effectivement... parfois échouent, mais ça leur fait un peu un wake-up call, ça les réveille, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout prêts pour présenter leur jeu, ils ne savent pas comment parler de leur jeu, ils ne savent pas comment le mettre en valeur, ils ne savent pas où trouver l'audience du jeu, et parfois c'est mieux de se planter sur une leur campagne de crowdfunding. Il y a tout un tas de... Je vais faire l'apologie du crowdfunding, hein, même si ce n'est pas parfait. Il y a tout un tas de bénéfices qu'on obtient de manière indirecte qui vont au-delà de l'argent sur une campagne de crowdfunding. On crée des liens différents avec sa communauté, etc. Donc, il y a aussi une autre chose qui est ultra importante, c'est que tous les projets ne sont pas adaptés au crowdfunding. Que ce soit la nature du jeu ou juste l'approche du studio. Moi, je travaille beaucoup avec le studio qui s'appelle Shiro Games, qui a fait Le Volant, Des Volants 2 et là, en ce moment, Northgard. Et sur la pas mal de leurs projets, on a évoqué l'idée de faire du crowdfunding. Et ils ont une méthode de travail qui fait que ça n'a jamais pu coller. C'est-à-dire que le jeu, leur méthode de développement fait que le jeu est prêt à être montré tellement tard dans la production qu'à la limite, autant le lancer plutôt que de faire une campagne de crowdfunding. Donc, c'est pas une solution universelle qui s'applique à tous les problèmes, le financement participatif. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est pas des sommes fantastiques. Alors, j'ai fait, il y a pas genre cette semaine, des stats là-dessus. En 2017, ça sera 20 millions de dollars, à peu près 20-25 millions de dollars dans le financement participatif du jeu vidéo. Et c'est en clair, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis cette année dont le budget marketing dépasse ça de manière. Significative. Donc on n'est pas non plus un morceau énorme du jeu vidéo. Par contre, il y a plein de petits jeux qui sont beaucoup aidés par l'exercice du crowdfunding et par l'argent que ça leur apporte. Alors tu as évoqué tout à l'heure, Thomas, la question des aides. Je me tournais vers vous deux, peut-être Mickaël s'y est frotté aussi, parce que là, il me semble que c'est aussi un sujet qui peut demander de l'énergie et du temps. Solliciter des aides. Comment ça se fait? Combien on peut avoir? À qui il faut demander? Dans le cinéma, par exemple, y a les fonds du CNC qui, traditionnellement, viennent aider le cinéma, en tout cas le cinéma français, évidemment. Est-ce qu'il y a des dispositifs équivalents dans le jeu? Est-ce que le fait que ce soit considéré comme, ou de plus en plus considéré comme un produit culturel, réellement, ça aide un petit peu à solliciter des aides? En fait, le CNC fait une aide à la création de jeux vidéo. Donc, c'est ce qui me paraît logique, puisqu'ils financent déjà le cinéma. C'est bien qu'ils aient. Cette aide, elle existe depuis plusieurs années déjà. Donc, nous, on l'avait demandé pour Sigma Theory, on l'a reçu. Par contre, ça demande de faire un dossier béton d'avoir un prototype. Enfin, voilà, il faut faire une belle présentation du projet. Après, il y a un jury composé de professionnels. Alors justement, c'est qui les gens qui décident si tu vas avoir le droit d'avoir des sous pour faire ton jeu? Il bah, me en fait, semble qu'il y a des gens, j'avais cru voir qu'il y avait des personnalités un peu inattendues dedans, comme la chanteuse Juliette, par exemple. Ouais, en fait, le jury change régulièrement, mais la plupart des gens sont dans l'industrie du jeu vidéo. Il peut y avoir des gens d'Amplitude, enfin voilà, de différents studios. Donc le jury, je crois qu'il change tous les ans, quelque chose comme ça. Je suis pas hyper calé là-dessus, mais je sais que voilà, tous les ans, il y a des nouveaux jurés qui viennent, qui s'en vont. Et voilà. Donc ça, c'est, comment dire, ça, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 200 000 euros, financée à hauteur de 200 000 euros, mais jusqu'à 50% du budget total. Donc si on demande 200 euros, il faudra 200 000 euros, il faut déjà avoir 200 000 euros dans son compte en banque. Mais c'est une subvention. Donc cet argent, comment dire, il faudra pas le rembourser. Le CNC ne prend pas des parts dans le projet ou dans l'entreprise. Donc c'est une vraie aide à la création. Donc ça, c'est la plus connue, la plus utilisée en France. Après, depuis, allez, on va dire 2-3 ans, il y a Media Europe aussi, Creative Media Europe. Donc ça, c'est une aide européenne. Donc ça fonctionne un peu comme le CNC. Il faut créer un dossier. C'est un dossier quand même un petit peu plus technique que celui du CNC, mais bon, c'est assez similaire. Et donc là, le jury, il est à Bruxelles, Commission européenne, et c'est là qu'il décide des projets qui vont recevoir des subventions. Donc c'est aussi une subvention. Donc voilà, toujours, enfin, ça c'est super. Mais voilà, par contre, on est avec des projets qui viennent de tout horizon. Par exemple, The Witcher 3 a eu une aide de Creative Media Europe. Voilà, donc là, c'est un peu plus de compétition, mais il y a des projets assez modestes qui ont été financés. Par exemple, un jeu que je fais en collaboration avec Label Games qui s'appelle Eugenics. Donc ce jeu-là a été reçu une aide du Creative Media Europe. Voilà. Donc je pense que ces deux organismes sont les principaux et les plus accessibles aussi. Je profite d'avoir Thomas, qui effectivement travaille en Angleterre, si j'ai bien compris, pour avoir son regard là-dessus sur l'aide publique, justement en Angleterre, parce que je crois qu'en plus le Brexit a un peu complexifié les choses, si je me trompe. Oh là! Oh là! Le Brexit a. C'est-à-dire que le Brexit a compliqué les choses dans le sens où il y a un énorme flou et qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer. À l'heure actuelle en Angleterre, l'Angleterre a ses propres aides qui sont équivalentes à celles du CNC. Mais effectivement, il y a, pour tout ce qui. Le Brexit remet en question la possibilité pour des projets anglais de se porter candidat à des subventions européennes. Donc, Media Europe, par exemple, je pense que les projets anglais qui s'y présentent maintenant. Sont par défaut, on va dire, refusés, car ça les amène probablement au-delà de mars 2019, qui est la sortie théorique de l'Europe. Maintenant, pour le reste de l'Europe, ça ne change rien. Le reste d'Europe continue à fonctionner très bien et se moque un petit peu de mes problèmes à ce niveau-là. Les aides anglaises sont très bonnes, par contre. Il y a vraiment. Tout un tas de dispositifs qui sont assez agressifs, ils sont assez généreux dans leurs attributions. Ils ont aussi un jury qui est géré par l'équivalent des impôts, donc pas par le CNC, mais pas par l'équivalent du CNC, mais par l'équivalent des impôts en Angleterre. Et ils ont vraiment une approche très, très pragmatique là-dessus. Il faut un dossier un peu sérieux, mais moi, la plupart des studios que je connaisse en bénéficient. Alors, par contre, c'est pas de l'aide en subvention, c'est du crédit d'impôt. Mais dans la plupart des cas, ça se traduit par des grosses facilités, surtout sur leur levée de fonds locale. C'est-à-dire que les investisseurs se retrouvent sont beaucoup plus à l'aise pour investir quand ils savent que le studio pourra obtenir des crédits d'impôt et décompter tout un tas d'aides de ce côté-là. À noter que en France aussi, le CNC propose le crédit d'impôt. Donc c'est un dossier un peu similaire à l'aide à la création. Mais voilà, il faut faire aussi un dossier pour obtenir le crédit d'impôt. Il y a un troisième type d'aide pour les prototypes, c'est Ouais, pour ça? les prototypes, ouais. Mais ça, je connais pas. Je vais pas faire. Il est tout nouveau celui-là, je crois. Il y a tout un tas d'initiatives, hein. Ça, c'est vraiment celle dont parle. Le crédit d'impôt, en fait, je trouve que c'est vital en fait pour le jeu vidéo, puisque on est sur des projets qui coûtent beaucoup d'argent et qui peuvent se tirer sur plusieurs années. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'année d'une entreprise, tout ce qui est en trésorerie va être payé en impôt sur les sociétés. Et le problème, c'est que la trésorerie, elle sert à financer l'année d'après, puisqu'on continue le projet. Et tant que le projet n'est pas sorti, on ne peut pas faire rentrer l'entrée d'argent. Donc, le crédit d'impôt, ça permet justement de payer moins d'impôts sur les sociétés, justement, et du coup, garder une meilleure trésorerie pour l'année qui suit et pouvoir continuer à financer le projet. Donc, Technique, mais très intéressant. Merci beaucoup. On s'attarde depuis tout à l'heure sur comment gagner de l'argent pour faire des jeux. Mais j'aimerais vous poser la question un peu de comment on le dépense dans un jeu. Qu'est-ce qui coûte cher finalement? J'imagine que on est quelque part plutôt dans la masse salariale que dans le matériel, non? Oui, évidemment. Micro Studio a une façon un peu originale de fonctionner, c'est qu'on travaille que avec enfin en coproduction, donc c'est-à-dire qu'on est plusieurs studios à travailler ensemble, à être associés sur un projet, et avec des freelances, donc des gens qu'on appelle et qu'on leur donne des tâches à faire. Par exemple, mon illustrateur, je lui dis fais-moi 50 personnages, voici les personnages qu'il faut faire. Et donc, je vais lui payer les 50 personnages. On n'a pas d'employé, puisque enfin, pour nous, ce serait trop lourd à gérer financièrement. Et c'est pareil. Et d'un autre côté, ça nous donne vachement de liberté quant aux projets sur lesquels on travaille, sur la taille des projets. Et du coup, ça permet énormément comment dire, de flexibilité. Après, je voulais dire, oui, enfin voilà. Ce qui coûte le plus cher, pour répondre à ta question, dans le jeu vidéo, c'est le développement. Le développement technique, ça, c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans le jeu, je trouve, en tout cas dans les jeux que nous, on fait. Après, si on fait des jeux en 3D avec de l'animation, ça aussi, ça peut coûter très très cher. Nous, ce n'est pas notre cas, puisqu'on fait des jeux assez. Enfin, on fait des jeux en 2D assez minimalistes avec beaucoup d'interfaces. Mais voilà, moi je pense que le premier point de dépense, c'est vraiment le code, la programmation qui prend, voilà, qui du début à la fin du projet, il y a toujours quelque chose à coder. Donc on peut pas s'en passer, quoi. Thomas, ces postes de dépenses-là, de façon générale, c'est des choses qui sont bien anticipées par les gens qui se lancent dans des campagnes de financement participatif. Comment est-ce qu'ils ont de la vue là-dessus? J'imagine que pour des studios qui ont déjà produit des jeux, c'est différent que pour des gens qui se lancent pour la première fois. Oui, il y a tellement de typologies différentes. On va dire le créateur de jeu hobbyiste qui demande 1000 euros pour payer de la musique à son jeu, pas du tout la même approche que un RPG à 850 000 euros avec une équipe derrière, quoi. Le financement participatif a une particularité, la particularité, c'est en théorie, parce que c'est toujours un peu plus compliqué que ça, il y a la sagesse des foules, le wisdom of the crowd. Et l'idée, c'est que si les gens n'ont pas l'air prêts, n'ont pas l'air d'avoir bien préparé leur projet, il est peu probable que les gens leur confient leur argent. La réalité, c'est que parfois on a un très beau plan qui a l'air très très chouette et que derrière, Le plan, quand il se retrouve face à la réalité, souffre et a pas mal de problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles les projets qui sont financés maintenant sont des projets qui ont des démos jouables ou des séquences de gameplay en vidéo assez détaillées qui permettent aux gens de se dire « Ah d'accord, ils sont allés suffisamment loin dans le développement actuel pour avoir une idée assez précise et avoir anticipé leurs besoins. » Maintenant, la réalité aussi, c'est que j'évoquais rapidement les sommes qui sont actuellement levées en financement participatif, même les grosses sommes, représentent assez rarement la réalité des budgets de studios de jeux vidéo. C'est un peu un problème, c'est un peu une mini-crise à laquelle fait face le jeu vidéo dans le crowdfunding depuis ces deux dernières années, deux, trois dernières années, à savoir un problème de communication et de faire comprendre aux gens, à leur audience, que non, on ne peut pas faire un jeu avec 10 000 euros, on ne peut pas faire ce jeu avec 10 000 euros. Et même des gros jeux, on va parler des énormes succès, Shenmue, quand ils ont levé 10 millions d'euros et qu'ils expliquaient qu'ils avaient besoin de trois fois plus, les fans étaient très surpris que ça coûte aussi cher. Donc on a un peu un, dans ce secteur-là, on a un peu un problème d'un côté, les sommes qui sont levées ne sont pas assez élevées, et pour plein de bonnes raisons. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, donc pourquoi donner de l'argent, pourquoi donner 20 euros à un jeu qui sortira dans 2 ans quand je peux très bien attendre et dépenser 20 euros dans un jeu qui est sorti cette semaine. Donc l'offre et la demande ne vont pas dans le bon sens, et aussi le fait que on a quelque chose d'assez dématérialisé dont les coûts sont mal compris. Les coûts sont très très mal compris. Alors, et ça c'est un problème au niveau de l'audience, des backers, des gens qui soutiennent ce genre de projet, mais on peut se retrouver aussi avec des studios qui aussi comprennent mal leurs besoins. Et voilà, on a eu quelques projets qui en sont morts, qui ne sont pas allés jusqu'au bout de ce qu'ils avaient promis, ou de jeux qui étaient sortis avec une fraction des features qui étaient prévues. C'est jamais très simple. Thomas, est-ce que tu penses que il y a aussi une méfiance justement des bikers qui a grandi au fur et à mesure des années, avec par exemple, comme tu dis, des jeux qui ne voient jamais le jour ou qui sont complètement pétés. Est-ce que tu penses que justement que les financements, sont oui. moins élevés qu'avant, parce qu'il y a quand même un âge d'or. Hein, ouais. Et ça s'est quand même vachement atténué ces dernières années. Quoi. Et l'âge d'or est derrière nous. Je pense qu'il y a un double effet. Il y a un effet méfiance, effectivement. Il y a eu Mighty No. 9 qui me vient à l'esprit comme étant un jeu qui est sorti, hein, mais qui est, on va dire, la promesse et les résultats, c'est un peu les photos du burger du McDo, quoi. C'est pas ce qu'on attendait. Mais il y a eu, je pense qu'il y a aussi un effet fatigue, à savoir quand le crowdfunding s'est lancé, c'était « c'est une idée géniale, on va faire la nique aux éditeurs, on va libérer les créateurs de jeux, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent ». Ce côté un petit peu enthousiasme sur le modèle, ça s'est vachement normalisé. Là, on a 300 jeux par an qui sont financés sur Kickstarter, par exemple, et c'est que 20% des projets. Hein. Il y a beaucoup plus de projets qui cherchent à se financer sur Kickstarter que ça. Donc, 300 projets par an, c'est un projet par jour qui se lance. Tout le monde et leurs amis se lancent sur Kickstarter. Donc, le côté un peu unique, fantastique, c'est très essoufflé. Et je pense que ça a aussi, cette magie a un peu disparu, et je pense que c'est ce double effet-là. Il y a un troisième composant assez important qui est, il y a moins de projets, il y a une certaine nature de projet qui se lançait sur Kickstarter à une époque et qui avait, on va dire, une certaine qualité, qui se sont déportés sur l'Early Access. L'Early Access qui nécessite, on va dire, un travail significatif. Il faut avoir une version jouable, mais sur Kickstarter aussi. Il faut une certaine qualité visuelle, mais sur Kickstarter aussi. Et alors, l'avantage du Kickstarter, c'est que ce n'est pas une campagne qui dure 30 jours, qui absorbe toutes les ressources comme un trou noir. On est lancé et on peut continuer à développer le jeu. Et on bénéficie de revenus sur, au-delà de la campagne de crowdfunding. Donc, il y a un côté de travail continu qui est un peu plus facile à anticiper avec de l'Early Access qui a drainé certains profils de projets, je pense. Il y a aussi un phénomène qui est aussi étrange, c'est les gens les projets qui restent en crowdfunding indéfiniment. Je pense par exemple à Star Citizen, où j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Alors peut-être après, on peut aussi repréciser le cas Star Citizen, qui est assez spécifique au passage. Alors oui, Star Citizen, ils ont lancé une campagne de financement participatif pour financer le jeu en 2012, en fin 2012 de mémoire. Puis ils ont fait un Kickstarter. Puis ils ont réouvert leur financement participatif sur leur site web. Et donc depuis 2012, quiconque veut, participer à la campagne de financement participatif, profiter des contreparties très spécifiques, peuvent. Star Citizen, c'est un mauvais exemple parce que c'est tellement unique qu'il n'y a pas vraiment de trend qui existe à ce niveau-là en dehors de Star Citizen. Il y a 2-3 autres projets, mais il n'y en a aucun qui soit à l'échelle de Star Citizen. Star Citizen, c'est tellement gros. Je disais tout à l'heure qu'il y avait entre 20 et 25 millions de dollars levés sur le crowdfunding dans le monde, sur le jeu vidéo. C'est en excluant Star Citizen, parce que Star Citizen tout seul, ça sera probablement 32 millions de dollars. Donc voilà, c'est aussi un effet, c'est un phénomène en soi, c'est tellement aberrant, c'est difficile d'en sortir des leçons qui s'appliquent à autre chose que Star Citizen. Ouais, mais Star Citizen, je trouve ça super intéressant, enfin, c'est un projet qui est complètement démesuré, avec un crowdfunding qui est complètement démesuré, c'est un projet complètement fou et qui va prendre des années à se monter. Mais en fait, au-delà du côté financier, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, je trouve que la démarche en fait est géniale parce que ça montre que on crée un jeu vidéo, on peut ne mettre aucune limite si on a envie, quoi. Enfin, si on en a les moyens, si on y arrive. Et qu'en plus, il y a des gens qui croient à ce projet et qui veulent le financer, ce projet, moi aussi, me fait rêver, même si je ne suis pas sûr qu'un jour ça fonctionnera ou ça sortira, je ne sais pas. Je trouve ça génial que quelqu'un ait réussi à lancer un projet aussi, aussi aberrant et aussi absurde et aussi démesuré, quoi. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais rester sur le financement participatif, mais me déporter un petit peu du jeu vidéo pour parler jeux de société et jeux de rôle, puisque c'est aussi un modèle de financement qui a eu un impact profond sur ces loisirs-là. Quelles données, quelles statistiques, quel regard tu portes là-dessus, Thomas ? Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a des financements qui arrivent à financer justement l'intégralité de la publication. Oula, en jeu de rôle ? Ouais, je pense au jeu de rôle, mais aussi au jeu de société. Typiquement, une boîte comme Monolith me semble avoir assez bien réussi son coup avec le Conan. D'abord, on va parler de jeu de société, enfin, jeu de plateau de manière générale. Le jeu de plateau a connu une révolution grâce au financement participatif. Ça, c'est évident. À l'heure actuelle, il y a plus de financement participatif, par exemple sur Kickstarter, qui va dans le jeu de plateau que dans le jeu vidéo, mais de manière assez ridicule. Je vais juste sortir mes chiffres rapidement. J'aurais dû ouvrir mon document avant de dire ça. Mais c'est là où le jeu vidéo, en 2012, on a une mini-explosion et depuis, on oscille entre 20 et 40 millions de dollars par an qui vont dans les jeux vidéo. Dans le jeu de plateau, on a une croissance constante du nombre de projets qui sont financés et de l'argent qui est engrangé à ce niveau-là. Et en plus de ça, l'autre différence extrêmement importante, c'est, j'expliquais, 20 millions de dollars dans le jeu vidéo, c'est pas grand-chose, en fait. Alors que l'argent qui est levé dans le jeu de plateau au total, c'est quelque chose de complètement phénoménal. Alors là, je t'en regardais, on va être à 120 millions de dollars en 2017, non, même plus que ça, on va être à 170 millions de dollars en 2017, ce qui est énorme. Mais il faut savoir que la taille du marché du jeu de plateau hors jeu de société, hein, on n'inclut pas Cluedo, Monopoly, etc., est estimé à un peu plus de 2 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a quasiment 5% de l'argent généré chaque année qui vient d'un site web à travers Kickstarter, parce que là je parle que de Kickstarter. C'est complètement fou. Il y a des sociétés donc de jeux de plateau qui sont cotées en bourse, qui marchent très bien. J'ai en tête notamment Simone, donc pas le prénom, mais l'acronyme de Cool Mini or Not, qui font notamment Zombicide, qui déclare dans ses relais, dans les chiffres qui sortent au niveau public, parce qu'ils sont cotés en bourse. La moitié de leurs revenus chaque année vient de Kickstarter. Donc on a un modèle où eux ne prennent aucun risque. Ils disent, voilà, on a besoin de faire de la production. Donc on a un jeu qui a été à l'inverse du jeu vidéo où on finance, on va dire, le design, le parcours créatif. Là, dans le jeu de plateau, on va financer la production physique. C'est-à-dire que le jeu, lui, existe. Il a souvent... 90% du jeu a été finalisé. Il y a peut-être un peu des visuels à faire, un peu de retouches à faire sur les dernières figurines, les règles, la mise en page du livre des règles, parce que les règles, généralement, sont connues au moment de la campagne. Et là, on finance la boîte, l'impression du livret, l'impression des cartes, etc. Et donc, du coup, les figurines, beaucoup, oui. Et donc, du coup, on a un système où est-ce qu'il faut qu'on en fasse 10 000 ou il faut qu'on en fasse 20 000? On va pas prendre le risque. Non seulement on va pas prendre le risque à savoir combien il faut qu'on en fasse, mais en plus on va pas prendre le risque financier de trésorerie à devoir avancer de l'argent. Et ça, ça a révolutionné le milieu du jeu de plateau. Et très rapidement sur le jeu de rôle, qui est un sujet qui m'intéresse moi beaucoup au niveau personnel. Effectivement, je pense qu'on est passé d'une industrie qui était financée par de la passion. Et des gens qui soit travaillaient le week-end et tard le soir, soit ne se payaient pas, donc mangeaient des pâtes. Un système où on a un peu plus de... sur les deux, oui. Souvent les deux. un système où on a des gens qui, quand même, d'un seul coup, peuvent prévoir, on va dire, leur financement. Ils peuvent dédommager, ils peuvent payer leur traducteur de manière un peu plus simple. Et surtout, ils n'ont plus besoin de débloquer leur trésorerie au tout début, en sachant que ça peut tuer une maison d'édition du jour au lendemain. Là, maintenant, ils ont un système où, dès le départ, ils savent qu'ils ont besoin de tant d'impressions, ils peuvent payer leur prestataire tant, ils ont tel deadline. Et c'est intéressant parce que, pour le coup, ça, c'est une industrie qui n'est pas très grosse, qui n'a pas beaucoup de revenus, mais qui a pu devenir beaucoup plus productive. Là, moi, je prends l'exemple en France où il n'y avait pas forcément beaucoup de jeux. Là maintenant, j'ai des chiffres sous les yeux. En 2016, entre Black Book Edition et Ulule, qui sont les deux grosses plateformes pour jeux de rôle en France, c'était 27 projets qui ont été financés. Et pour un total de à peu près 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, je suis juste parlant de dollars, parce que c'est... je remets tout à une monnaie. Non, j'ai arrêté. Ça me déprime trop. mais 2 millions de dollars pour le jeu de rôle français, et uniquement jeu de rôle français, c'est vachement significatif. Quoi. Alors, j'ai des questions complémentaires, parce que pour le coup, le jeu de rôle, c'est un milieu que je connais assez bien. Alors, la première, c'est, ça touche aussi le jeu de société, comment tu expliquerais que ces deux loisirs-là se sont emparés avec manifestement autant de succès du financement participatif, alors que c'est visiblement un peu moins le cas pour le jeu vidéo? Alors déjà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait graduellement. Il y a des projets qui ont marché, puis le mot s'est répandu. Et donc les gens ont commencé à adopter de plus en plus. C'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. On parle de jeu. Mais moi, je pense qu'il y a des ponts évidents entre le jeu vidéo et le jeu de rôle et le jeu vidéo et le jeu de plateau. Je suis un défenseur de réunir ces différentes industries et d'apprendre les uns des autres. Mais Il y a quand même des points fondamentaux qui sont complètement différents. Le premier, c'est qu'on finance quelque chose de physique. Je pense que les gens ont plus de facilité à rationaliser le fait de backer, de soutenir un projet quand ils vont recevoir un objet physique, que quand ils vont recevoir un objet dématérialisé. Ensuite, il y a une logique de financement qui est aussi complètement différente. D'un côté, on finance de la production, enfin le processus créatif, de l'autre, on finance la physique. Bien sûr qu'ils ont besoin de X argent, parce qu'il faut qu'ils fassent des boîtes, il faut qu'ils fassent des pions. Souvent, dans les campagnes de financement participatif de ces jeux-là, on parle peu du salaire des concepteurs, des artistes, etc. C'est quelque chose qui est peu mis en avant. Alors que c'est complètement tout ce qui est mis en avant dans un jeu vidéo. Il faut un programmeur, il faut un artiste, etc. Je pense que les gens ont plus de facilité à dire je finance la production physique du carton que de mais c'est quoi ces programmeurs qui coûtent aussi cher et ils vont mettre 3 ans à faire un jeu alors que c'est pas très compliqué, c'est 3 lignes de code. Surtout qu'un jeu de plateau, quand tu le vois, tu sais qu'est-ce que va être le jeu, tandis qu'un jeu vidéo, quand il est en développement, tu sais pas qu'est-ce que ça va être à la fin, quoi. C'est vrai. La campagne apparaît à un moment complètement différent du processus de création. C'est-à-dire qu'il apparaît à la fin pour le jeu plateau et il apparaît au premier tiers, à la moitié pour le jeu vidéo. Et donc, du coup, c'est pas la même promesse. On sait ce qu'on aura quand on aura un jeu de plateau. De plus en plus, pareil, les campagnes de jeu plateau sont beaucoup plus professionnalisées, sont devenues de plus en plus sophistiquées. Non, il y a toujours une vidéo de quelles sont les règles du jeu. Et on voit des gens qui jouent au jeu. Voilà. Moi, j'ai craqué pour Jeanne d'Arc, un projet français, il y a quelques semaines. Et ben, une des choses qui m'a convaincu, c'était de pouvoir regarder une vidéo YouTube des créateurs qui expliquent les règles du jeu et qui a été bêta-testée et qui est connue. Dans le jeu vidéo, même si on a un niveau, on ne sait pas... la durée du jeu, l'histoire du jeu, on a tout un tas de points d'interrogation, quoi. C'est vraiment très très très très différent. Je pense que la façon dont le jeu de plateau s'est emparé de ce modèle, c'est aussi parce qu'ils étaient en besoin d'avoir cette manne financière alternative, alors que dans le jeu vidéo, on a beaucoup d'autres alternatives. On parlait de 20 millions de dollars sur les milliards qu'ils ont dépensés chaque année. Ubisoft n'a pas besoin de faire de crowdfunding. Même si Ubisoft avait des problèmes de trésorerie, ils iraient voir la banque leur donnerait des sous. Alors que je pense que Cool Me Your Note va voir la banque, leur demande de l'argent pour financer un jeu, c'est un jeu plateau. Je pense que c'est pas possible. Alors, même ne parlons pas d'un jeu de rôle. Michael, quand on est un créateur plus indépendant, en tout cas un plus petit studio, est-ce que ces phénomènes-là, ça joue sur ce qu'on imagine créativement? On faisait récemment un numéro de Ludologie sur la rencontre entre éléments numériques et supports physiques. Je pense à des productions comme celle des studios Tourmaline ou des éditions volumiques, par exemple. Est-ce qu'on se dit peut-être que finalement, ce serait intéressant de penser des modèles qui sont un peu hybrides avec du physique et du numérique, parce que on sait que par exemple ça nous permettra plus facilement de faire un financement participatif et en même temps c'est des défis créatifs. Ben alors, en fait, je peux déjà vous dire que on est en train d'adapter en jeu de plateau, on est en train de l'adapter en jeu de rôle papier et on est en train aussi d'en faire une bande dessinée. Donc nous, travailler sur en transmédia, ça nous intéresse carrément parce que on a commencé à faire des jeux vidéo et à créer notre univers en jeux vidéo parce que moi, quand j'ai commencé à mettre en indépendance, c'était ce qu'allait faire des jeux mobiles, des jeux vidéo, c'est là où il y avait de l'argent et c'est là où ça pouvait être viable. Après, nous, les univers, on aimerait les étendre sur plein de médias différents. Jeu de plateau, comme j'ai dit, bande dessinée, mais pourquoi pas aussi faire un film, pourquoi pas faire une série. Fibre et Tigre et moi-même, on a beaucoup d'imagination et on a vraiment envie de raconter des histoires et créer des univers. Donc, c'est nous, c'est totalement ce qu'on a envie de faire. Après, toi, je crois que tu parlais un peu plus du lien entre le physique et le digital, c'est ça? C'est ça, brièvement, mais en tout cas, déjà, c'est typiquement si vous faites un jeu de plateau, est-ce que vous le financez sur Kickstarter? Alors, en fait, on s'est associé avec une entreprise qui fait des jeux de plateau. Donc, en fait, c'est lui qui s'occupe de trouver le game designer, de faire fabriquer. Et oui, il est question de faire une campagne Kickstarter. Mais là, plus le temps passe et plus justement on revient un peu sur cette question parce que en fait le projet prend beaucoup, les distributeurs internationaux sont très intéressés et du coup on pourra avoir énormément de préventes sans même faire de Kickstarter. Donc voilà. Mais oui, c'est une possibilité. Alors, ça va me permettre de poser une question à Thomas. À nouveau, un phénomène que je ne sais pas à quel point il est répandu dans le jeu de rôle, mais j'ai eu l'occasion de l'observer dans le jeu vidéo, pardon, mais j'ai eu l'occasion de l'observer moi dans le jeu de rôle et dans le jeu de société. Il me semble que le financement participatif, et je ne sais pas si c'est propre au financement participatif, tu nous le diras, donne une assez forte prime à la licence ou à la réédition de jeux, d'anciens jeux. C'est un phénomène c'est juste dans mon imagination ou il y a réellement des fonds là-dessus? C'est un point très intéressant que tu amènes. En fait, la façon dont le financement participatif c'est un phénomène fascinant d'un point de vue, on va dire, psychologie des foules et rationalisation de la décision. Sans vouloir en parler pendant 1 heure, en gros, le financement participatif ne fonctionne que s'il y a un élan et qu'il y a un momentum, un phénomène de communication et de viralité dans les gens qui ont un intérêt dans le projet. Et ça nécessite pas mal de. Ça nécessite d'avoir un esprit communautaire très fort. Et donc, ce qu'on observe, c'est effectivement les gens qui ont une certaine nostalgie sur certains projets, que ce soit une réédition d'un projet qui a été fait il y a longtemps, que ce soit. Le reboot, la reconstruction autour d'un projet qu'on a aimé. La communauté existe, elle a un fort attachement émotionnel. C'est très très émotionnel la façon dont tout ça se comporte. Donc du coup, oui, effectivement, les jeux qui sont réédités, je parlais de Shenmue tout à l'heure, mais on peut parler de tout un tas de projets qui existent, qui font que leur succès repose sur le fait que ce soit des marques existantes, que ce soit des gens qui ont été connus pour certains projets. Ça joue énormément, énormément parce que du coup, il y a une espèce de. Il y a un effet émotionnel, on a une passion pour ces choses-là, il y a un côté contrôle du risque, on sait ce que va être le jeu parce que le jeu, on l'a déjà vu, on y a déjà joué. Il y a une combinaison d'effets qui passent. Maintenant, ce n'est pas la seule raison. Et ce n'est pas le seul motif. On a aussi des jeux qui sont complètement originaux, qui ont très bien marché. Mais ils ont très bien marché parce qu'ils ont réussi à créer ce même phénomène dans la durée. Moi, je travaille avec beaucoup de tout petits studios et le premier truc que j'explique souvent, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un très mauvais point de départ pour financer un jeu. C'est que quand on n'a pas de communauté, on n'aura pas de gens qui ont un attachement émotionnel, on n'aura pas de gens qui seront motivés pour financer dès le départ et pousser le projet plus loin. Il y a un phénomène un peu. Donc, première chose, quand on veut réussir un projet de crowdfunding, il faut atteindre en gros 20% en 48 heures. Si on n'a pas cet élan, ce qui se passe, c'est que les gens qui découvrent le projet en cours de route pensent que le projet va échouer, or on ne donne pas au projet qui existe. C'est un peu contradictoire dans le sens où les projets Kickstarter ne prennent pas d'argent tant que le projet n'a pas obtenu son objectif. Mais il y a un petit côté, on ne prête qu'aux riches, on ne veut pas s'associer à des projets qui échouent, on ne veut pas s'associer à l'échec. Et donc, du coup, on a un serpent qui se mord la queue si on n'a pas un bon départ. Et donc, du coup, les projets qui sont visibles, qui réussissent très bien, sont des projets qui réunissent tous ces paramètres et qui peuvent se permettre d'avoir un excellent départ avec j'adore telle personne. J'adore Outzer, j'ai envie qu'il ait lieu, j'ai une grosse passion pour ce truc-là. J'ai beaucoup plus de chances de réunir, on va dire, l'argent pour un projet de ce type-là que pour un truc inconnu. On va se retrouver, par exemple, c'est la même chose, par exemple, avec Noob. Noob qui a fait donc, son financement de jeux vidéo à plus d'1 million d'euros. Le record pour un projet sur Ulule, ça vient 100% d'une base de fans complètement dédiée au projet et qui ont un attachement émotionnel fort. Lors, le noob de jeux vidéo, a priori, on ne sait pas ce que ça sera, parce qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Je vais prendre une autre forme, et après, je pense qu'on pourra passer à d'autres formes de financement. Les fans, les agents économiques, pour reprendre des termes vraiment d'économistes, ont parfois d'autres tendances. De fois, leur passion les amène à financer régulièrement avec une autre forme de crowdfunding. Je pense au Patreon, au Tipeee et autres. Est-ce que ce sont les mêmes mécaniques qui sont en jeu? Puisque en fait, voilà, on vient de le voir, c'est pour et contre. Est-ce que je donne, est-ce que je donne pas? Est-ce que c'est les mêmes mécaniques qui jouent sur les Patreon et les Tipeee? Donc, ou là, c'est des financements au mois, au projet? Alors, c'est au mois ou au projet. Alors, il y en a assez peu dans le jeu vidéo. Ce qui se passe, c'est souvent du contenu régulier, à savoir donc du podcast, par exemple, de la sortie de vidéos, donc plus pour des vidéos on demand, YouTube, ce genre de choses. Sur de la création de projets de ce type-là, de cette nature-là, ça existe, ça fonctionne un petit peu, mais c'est pas aussi naturel. Les ressorts sont les mêmes, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés, qui ont un attachement émotionnel, mais avec une échelle beaucoup plus petite. C'est-à-dire qu'on va, les projets qui ont du succès vont avoir moins de backers, mais c'est des backers qui vont soutenir sur une période plus longue. Donc, en fonction du projet, ça peut être plus intéressant de faire un Patreon parce qu'on a besoin de, on préfère avoir de l'argent sur la durée et construire une petite audience niche. Donc, c'est des ressorts assez différents. Et dans le jeu vidéo, c'est pas très courant, avec une exception notable, qui sont les jeux vidéo pour adultes, notamment des jeux vidéo hentai, qui ont un succès phénoménal sur Patreon, qui 90% des jeux vidéo présents sur la plateforme, même peut-être 95% des jeux sur la plateforme, sont des jeux pour adultes. Et là, je pense que le ressort est complètement différent. C'est les gens qui veulent des images coquines. Enfin, je suis sympa en disant coquines. Hein. Tous les mois. Et pour eux, c'est leur abonnement, on va dire, à du contenu pour adultes plus qu'à du jeu vidéo. C'est des choses qui existent, j'ai l'impression, un peu plus en jeu de rôle, où pour le coup, comme on est sur un médium texte, on a beaucoup plus facilement quelque chose qui ressemble à un abonnement à une revue. Je dis une bêtise ? Non, c'est vrai. Et ça vient aussi avec la facilité de production. C'est-à-dire que Patreon a ce modèle de par projet, on va dire, pas sorti. Alors, ça va être par épisode de podcast, ça va être ce genre de choses. Ça se prête assez mal aux jeux vidéo au final. On pourrait faire par épisode et se retrouver avec un Life is Strange-like, mais on va se retrouver avec 5 épisodes avant de passer à autre chose. Le délai entre chaque épisode va être assez élevé. Donc c'est pas très élégant. Autant faire un Kickstarter où on promet aux gens tous les épisodes et un décompte et faire le maximum de bruit là-dessus. C'est du coup le jeu de rôle, voire même plus que le jeu de plateau d'ailleurs, s'y prête mieux. On peut faire un peu soit un magazine, soit des sorties de scénarios, soit des plans, soit des illustrations de personnages. On a plus de variété dans ce qu'on peut livrer de manière régulière. Alors, on va revenir sur une autre forme de financement, qui n'est pas tout à fait participatif, mais que tu as évoqué un petit peu plus tôt, c'est les Early Access. Moi, j'y connais rien en jeu vidéo. J'ai entendu parler de Season Pass, d'Early Access. Est-ce qu'on peut je ne sais pas si les loot box ça rentre là-dedans. J'aimerais bien en savoir plus et comprendre. Early Access, en fait, c'est simplement avoir accès au jeu pendant le développement. Donc, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir payer pour payer le jeu, avoir une version bêta, alpha, ça dépend de l'avancement. Donc, avec tous les bugs, il n'y a pas tout le contenu, il n'y a peut-être pas d'animation, il manque des graphismes. Donc, en fait, on a un jeu pas terminé, mais qui est quand même jouable. Alors, j'ai une question complémentaire du coup. Si je prends le jeu pas en Early Access, ça veut dire que je suis sûr qu'il est terminé ? Voilà. en théorie, oui. Ouais, c'est ça. Enfin, normalement. Après, mais en fait, ce qui est intéressant Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un early access, après aussi, il faut que le développeur soit prêt à ce que son jeu évolue avec les demandes des joueurs. Donc, justement, moi, je trouve que les early access qui ont le plus de succès, c'est les jeux déjà qui présentent un concept, même s'il n'est pas fini, qui va attirer énormément de joueurs et qui après va réussir à comprendre ce que les joueurs aiment dans ce jeu et le développer pour, voilà, pour le, étendre un peu tout le jeu, que ce soit bien pour que à la fin on ait vraiment un super jeu. Donc, et ce qui est bien, c'est que là aussi il y a un attachement émotionnel, puisque les joueurs vont tester le jeu, vont jouer au jeu et vont le voir évoluer. Et des fois, il y a des changements, ils vont trouver ça super, ils vont remercier les développeurs. Des fois, le développeur fait un changement qui casse tout le jeu, et là, tout le monde va leur cracher dessus et leur envoyer des menaces de mort. Donc, mais ce qui est bien, c'est que voilà, ça crée une communauté, ça permet de développer une communauté autour du jeu qui va grandir, si le jeu évolue dans le bon sens, bien sûr. Et en même temps, ça permet aussi de financer le développement jusqu'à la sortie. Voilà. Donc, dans le bon scénario, c'est ça. Après, il y a où ça se passe pas bien, où personne ne participe à l'early access, où le jeu ne sort jamais d'early access, voire il ne sort jamais. Et donc, ça a apporté aussi pas mal de problèmes et pas mal de méfiance. Mais quand même, ça, enfin, moi je pensais que ça allait s'arrêter, et en fait ça continue. Il y a des très bons jeux qui sortent, qui viennent de l'early access. Donc, je trouve que c'est un système de financement qui, pour moi, qui est très attirant et qu'on va expérimenter avec notre prochain jeu Sigma Theory. Voilà, mais ça va demander beaucoup de ressources, nous, en interne. On va devoir avoir une personne qui sera dédiée au community management, donc à animer la communauté, à les tenir informés des prochaines mises à jour, du contenu qui va être ajouté, etc. Pour nous, pour notre stratégie, c'est très intéressant, puisque on va pouvoir... Aujourd'hui, quand tu es un petit studio indépendant, tu finis ton jeu, tu fais, t'envoies quelques emails à des journalistes pour dire que ton jeu est sorti, tu mets ton jeu sur Steam. Faire ça aujourd'hui, c'est du suicide pur et simple, en fait. Donc, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent que faire ça, c'est personne ne verra le jeu, en fait. Tandis que faire grossir le jeu un peu en marge de la sortie, de développer la communauté, de faire grossir le nombre d'utilisateurs, ça peut, quand on arrive à la sortie du jeu, on peut arriver potentiellement avec beaucoup de joueurs déjà en place qui vont recommander le jeu aussi à leurs amis, et du coup avoir une awareness du jeu qui va permettre de faire une sortie quand même beaucoup plus visible. Voilà. Je ne sais pas si Thomas est d'accord avec moi. Non, je suis complètement d'accord. C'est une très bonne, c'est un bon résumé de la situation, et c'est vrai que c'est né en fait du modèle Minecraft. Minecraft s'est sorti en disant voilà, le jeu il est pas fini, mais vous pouvez y jouer maintenant tout de suite, et il coûtera 10$, mais il coûtera plus cher à sa vraie sortie. Et au fur et à mesure des patchs et des updates, ils augmentaient les prix, et Steam a créé un système pour émuler ça. Et au final, les gens ne font pas forcément ce côté augmenter le prix, mais ils ont le côté un petit peu vous pouvez y jouer tout de suite, et nous, ça nous arrange en tant que développeurs, parce qu'on aura des feedbacks, on aura la possibilité de voir le jeu dans son environnement normal, alors que quand on est tous ensemble dans notre studio, on ne voit pas forcément la façon dont le jeu va se comporter, et ça a plein d'effets bénéfiques. Alors du coup, ça se prête particulièrement à des jeux à des jeux dits systémiques, des jeux à système, alors des jeux stratégie, des jeux avec du PVP, ce genre de jeu, plutôt que des jeux narratifs, parce qu'un jeu narratif en early access, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que si je joue au jeu et que je regarde l'histoire et que le jeu n'est pas fini, je me suis un peu spoilé, je me suis ruiné de l'expérience en apprenant l'histoire alors que le truc n'est pas complet, quoi. Donc c'est plus souvent sur des jeux dits systémiques que d'autres, mais c'est, ouais, ça marche bien. D'ailleurs, ça a été adopté, on parle de Steam Early Access, qui est donc la version Steam de cette méthode-là, mais Microsoft a l'équivalent sur Xbox, et il y a des systèmes, on en parle de plus en plus, pour créer des environnements de test sur Android et sur iOS. D'ailleurs, tu connais mieux que moi, Mickaël, je dis peut-être de bêtises, mais je me semble que sur Android, c'est déjà le cas. Je ne suis pas sûr sur iOS. Sur iOS, si tu peux faire de la bêta-test, comme sur Android, il y a un système pour ça, oui. Je crois que c'est Test Flight ou quelque chose comme ça, ouais, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. En Early Access, il y a un exemple qui a affolé les compteurs en cette deuxième moitié d'année 2017, c'est PlayerUnknown's Battleground, jeu multijoueur à la base à la troisième personne, puis après en première personne, ça a beaucoup évolué. Comment on explique qu'un jeu comme ça, a priori sorti de nulle part, parce que je crois que c'est un studio coréen qui l'a fait, qui n'était pas spécialement connu en Europe, comment ça se fait que ce jeu a eu ce succès-là ? En fait, déjà, le game designer, le jeu était fait par un studio coréen, mais le game designer, il a quand même fait ses armes sur des modes justement de Battle Royale. Je ne sais plus exactement sur lequel jeu, tu t'en rappelles toi, Thibaut ? H1Z1. Ouais, c'est ça, exact. H1Z1. Ouais. H1Z1. En anglais, c'est mieux. Voilà. Et en fait, ce game designer, il a quand même fait des trucs super sympas. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il a réussi un peu à aller jusqu'au bout de sa démarche avec ce développeur coréen qui a vraiment fait du bon travail, quoi. Donc, le jeu, en termes de game design, il est parfait. Moi, j'y joue un petit peu, je ne suis pas hyper fan de ce jeu, mais voilà, le game design est parfait, tout est très bien pensé, et c'est un jeu, c'est le jeu parfait pour Early Access, puisqu'on peut jouer avec ses potes, on peut prendre une Jeep avec eux et conduire et faire des cascades, et on se casse la gueule, et tout le monde a perdu de la vie, et après on se fait engueuler. On peut raconter sa vie pendant qu'on traverse la map avec ses potes. Il y a vraiment un côté communauté, on va se battre contre les autres avec ses potes. C'est ça, moi je trouve ça qui a vraiment fait marcher le jeu. Et en plus, c'est un jeu en ligne, c'est un jeu où chaque partie est différente. On est, comme disait Thibaut, Thomas, pardon. c'est un jeu systémique où chaque partie est différente, on ne sait jamais ce qui va se passer et on va devoir survivre. Donc, c'est le jeu qui est fait pour Early Access. Ça, c'est sûr. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on voit que le marché de l'e-sport, mais je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, c'est tout de suite emparé de ce jeu-là, alors qu'il n'était même pas sorti officiellement. Je pense qu'il y a eu un phénomène de chambre d'écho très fort. C'est un genre qui était déjà populaire. Des gens H1Z1 était un jeu qui était dans les top 10 des jeux les plus regardés sur Twitch pendant très longtemps. Je dis top 10 parce que je ne veux pas me planter, mais c'était plus souvent le top 5. Et quand ce jeu donc est sorti par le même designer avec un design fait nativement pour cette expérience de jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zombies cette fois-ci, c'est vraiment que le côté survival battle royale. On est dans un écosystème Steam aussi où qui a un écosystème très fort pour les jeux first-person shooter, donc dans les plus gros jeux sur Steam historiquement, Half-Life, Portal et Counter-Strike, c'est clairement un environnement qui est parfait pour eux. Et je pense que Twitch a complètement fait exploser le jeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des stats, donc on utilise beaucoup un site qui s'appelle Steam Spy pour évaluer les ventes de jeux. Qui est un site très, très bien pensé, qui a ses défauts, mais qui est quand même le standard pour le jeu PC, pour savoir quels sont les jeux qui ont des succès. Et on avait donc plus de gens qui regardaient PlayerUnknown's Battlegrounds sur Twitch que de gens qui avaient acheté le jeu au tout début. Et donc du coup, effectivement, ça a démultiplié le succès. Je pense que le jeu aurait eu du succès sans Twitch, mais je pense que c'est ce côté phénomène, accélération phénoménale de l'expérience, c'est fait par ce côté spectateur, qui est très fort dans tout ce qui est jeu e-sport, et qui a complètement amené les gens à se lancer dedans. Quoi. Et c'est une très belle expérience de spectateur, parce qu'on est avec le joueur qui cherche à survivre, et qui d'un seul coup... soit fait un truc très bien et arrive à gagner, soit se fait snipe au tout début et on est avec lui dans l'émotion et dans le moment quoi. Maintenant, je voudrais faire un petit peu de futurologie très légèrement. En ce moment, il y a des plateformes de streaming de jeux qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à une plateforme qui s'appelle Black Nut, sur laquelle se trouve, si je ne dis pas de bêtises, Outzer. Et du coup, c'est quand même des nouveaux modes de consommation aussi pour les utilisateurs, parce que là, on est dans l'accès à une bibliothèque par abonnement. Sur quelle plateforme, excuse-moi ? Black Nut. Black Nut. Alors, si tu n'es pas au courant, par contre, je t'invite à contacter ta collègue. Comment t'écris ça ? Black, c'est comme une noix. Comme une noix noire. Comme une noix noire. Voilà. Okay, mais je sais que des gros studios s'y mettent parler. Aussi. Ah, bah écoute, faudra contacter les gens qui y bossent dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a des plateformes qui commencent à émerger, qui sont des plateformes de streaming de jeux. À savoir, un abonnement pour l'utilisateur qui va avoir accès à un catalogue de jeux. Est-ce que demain, le financement risque pas de basculer comme il est en train de le faire dans le monde des séries télévisées, par exemple, avec des plateformes qui voudront enrichir leur catalogue et qui, plutôt que d'acheter des jeux déjà existants par ailleurs, vont produire en interne. Est-ce que c'est des nouveaux modèles que vous présentez en émergence ? En fait, nous, on a été approchés par pas mal de plateformes comme ça, un peu le Netflix du jeu vidéo. Moi, pour l'instant, j'y crois pas trop. Je ne crois pas trop parce que je ne pense pas que ce soit le même mode de consommation que de regarder des séries. Moi, je suis abonné à Netflix et j'adore ça. Je trouve que mes 10 euros par mois, ils sont dépensés très bien. Mais je ne pense pas que je ferais ça pour du jeu vidéo parce que... Tu veux dire que si on te proposait demain un abonnement à 10 ou 15 euros par mois à Steam où tu as accès à tout le catalogue Steam, tu préférerais continuer à acheter les jeux à la pièce ? Je pense pas que ce serait 10 euros pour accéder à tout le catalogue. Peut-être aux anciens titres, mais pas les nouveautés. Parce que Electronic Arts le fait déjà sur sa plateforme qu'on s'appelle Origins, voilà. On peut payer un abonnement et accéder un peu aux anciens titres d'Electronic Arts gratuitement, en illimité. Quoi. Peut-être qu'en tant que consommateur, ça peut avoir un écho. Après, je pense qu'en revenu pour les développeurs, ça risque de ne pas être très rentable. Quoi. Pour la musique aussi, je pense que ça marche bien. Parce que voilà, acheter des albums, des CD, tout ça, c'est un peu dépassé. Mais pour moi, le jeu vidéo, je pense pas que ça puisse. Pour être honnête, nous, on a refusé d'être sur ces plateformes parce que ça allait nous demander du développement supplémentaire avec pas forcément des revenus, quoi. Enfin, des revenus assez ridicules. Donc voilà, peut-être que ça décollera un jour, mais en tout cas pas tout de suite quoi. Pour l'instant, pas convaincu. Thomas, tu as un regard là-dessus ? Oui, j'ai un regard. Ça existe depuis longtemps en fait. Alors les infrastructures de réseau n'étaient pas forcément en place pour que ça marche aussi bien que maintenant, mais depuis 2005, il y a des solutions et des offres de ce type là. Moi je suis un peu comme Mickaël, je suis très sceptique pour plein de raisons. Alors, l'expérience de jeu n'est pas trop mal maintenant. Donc, même quand on perd le réseau, on va dire que ça, c'est un petit peu moins joli pendant un moment, mais c'est vrai aussi sur Netflix ou quand on regarde une série. La latence pour les contrôles, c'est un peu un problème, mais pareil, ça peut se compenser. Je pense que Il n'y a pas que en streaming hein, ces services-là maintenant. Si par exemple, nous, on nous a proposé. Une plateforme en HTML5. Donc en fait, tu joues au jeu en HTML en fait. Et y a pas, c'est pas du streaming, donc là, t'as pas ce genre de problème de latence, mais voilà. Il y a plusieurs solutions techniques en tout cas qui sont en train de se mettre en ouais. place. Au-delà de l'expérience, on va dire purement jeu, qui est pas forcément aussi simple que pour du contenu où il y a une communication dans un seul sens. Je pense que le modèle Netflix, j'ai un abonnement, je joue à tous les jeux que je veux. C'est quand même un peu, c'est ce que tu dis. Je trouve ça assez. Ça va pas vraiment bien avec le modèle du jeu vidéo. On a des jeux où on va jouer 400 heures au même jeu, et il y a des jeux qu'on va faire en 2 heures. On va dire la série télé Netflix, une série télé, ça a une saison, ça a un certain nombre d'épisodes d'une certaine durée. On a un truc qui est un peu formaté. On n'est pas du tout formaté dans le jeu vidéo. On a des jeux très bien qui sont des jeux que tu fais en une demi-heure. On a des jeux formidables où, pour bien les maîtriser, il faut y avoir joué 400 heures. C'est difficile de trouver un modèle économique qui du coup est juste pour les différents acteurs. Et je pense que même pour l'utilisateur, au final, c'est un peu contre-intuitif. Je suis assez sceptique sur ces différentes offres. Maintenant, je suis trompé par le passé sur... comment le futur allait évoluer pour le jeu vidéo. Donc, je ne dis pas que c'est un scandale, ça ne marchera jamais, hein, mais je suis assez sceptique. Moi, j'ajouterais qu'en plus, aujourd'hui, je trouve que les joueurs, en fait, sont dédicacés à un seul, jeu. C'est-à-dire qu'ils vont... Ouais. Ils vont avoir leur jeu fétiche dédié, accroché, ouais, dédié, c'est ça, pas dédicacé, dédicacé, ouais. C'est un anglicisme, bref. Ouais, donc les joueurs vont s'accrocher à un jeu, voilà, leur jeu fétiche, et vont y jouer des centaines d'heures, voire 1000 heures, voire 2000 heures. Par exemple, c'est Games as a Service. Par exemple, Rainbow Six Siege, c'est un très bon exemple. Là, ils vont attaquer leur troisième année, et chaque année, ils font quatre mises à jour avec de nouveaux personnages, une nouvelle map, l'amélioration du gameplay, etc. Et là, ils vont attaquer leur troisième année. Ce jeu-là a grandi au fur et à mesure des années. Il a commencé très petit et il a grossi au fur et à mesure. Parce qu'ils ont réussi à apporter de nouveaux contenus. Et bien sûr, le contenu, il est payant. Enfin, on peut l'avoir gratuit si on joue vraiment des milliards d'heures pour gratter des points et pouvoir débloquer. Mais en gros, ils vendent des season pass pour avoir tout le contenu chaque année, quoi. Le fait que les joueurs vraiment ne soient que sur un seul jeu, je pense pas faire une offre de plein de jeux pour 10 euros par mois qui vont forcément être des petits jeux pas terribles ou qui datent un peu. Oui, ça peut plaire à un certain public. Mais je pense pas que ce soit vraiment la façon dont les gens jouent aujourd'hui, où les gens attendent que leur jeu évolue, qu'il apporte de nouvelles choses et qu'ils puissent y jouer longtemps, qu'ils puissent y jouer avec leurs amis et qu'il leur apporte du plaisir tout le temps. Donc voilà. Et puis et en plus, si ces plateformes n'arrivent pas à générer des revenus, aucun développeur ne voudra mettre leur jeu dessus. Hein. Peut-être pour un public familial où on peut imaginer des parents qui ne connaissent pas forcément grand-chose, ne se tiennent pas forcément au courant de l'état du marché et veulent juste des jeux régulièrement pour leurs enfants. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Hein. Bah, en fait, ça... Alors ça marche déjà. C'est le free-to-play, quoi. C'est les jeux gratuits qu'on télécharge comme ça, sans se prendre la tête, et qui est aussi très familial. Voilà. Techniquement, ça existe. Enfin, la plateforme qui marche le mieux sur ce format-là, c'est la plateforme d'Orange, qui a effectivement un système d'abonnement avec les gens qui peuvent jouer. Mais c'est des chiffres qui sont. Je crois que je ne peux pas donner de chiffres parce que je les ai eus de manière confidentielle, mais c'est des tout petits chiffres en termes d'audience par rapport à la taille de l'industrie. Et si Orange en France a ces chiffres-là, et je pense qu'ils en sont très contents, j'ai du mal à voir des offres se démultiplier. Il y a beaucoup de gens qui, comme Black Note, se positionnent comme étant le Netflix du jeu vidéo. Je pense qu'il va y avoir Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est très, très, très dur de sortir et de se positionner comme ça. Et quid de GOG, du coup, donc la maison mère des développeurs de Witcher 3, qui a un gros catalogue en plus. Bah oui, ils se positionnent comme Steam. Ils vendent les jeux, donc ils ont un modèle, on va dire, établi et positionné. Et ils ont, donc du coup, eux, ils fonctionnent en étant un positionnement un peu différent, à savoir ils mettent en avant beaucoup le fait que leurs jeux n'ont pas de DRM, donc de solution anti-piratage. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'ils sont lancés au départ avec en parallèle des vieux jeux. C'est là que vient GOG, hein, Good Old Games. Et aussi avec une politique de prix qui fait que de temps en temps, les jeux sont moins chers chez eux que chez Steam. Et donc, du coup, les gens vont acheter un jeu chez Steam, un jeu chez eux, en fonction de comment les tarifs évoluent. Et ça, le modèle, il est connu. C'est un modèle de vente, de premium. Ce qui est intéressant aussi chez GOG, c'est qu'ils n'acceptent pas tous les jeux. Ils ont une ligne éditoriale. Et je trouve que c'est intéressant parce que aujourd'hui Steam ça devient un peu comme l'App Store ou Google Play où il y a des milliards de jeux qui sortent tous les jours et où en fait finalement le malgré les algorithmes qui mettent la prédiction des goûts etc. Moi je trouve que on est toujours un peu perdu face à l'offre qu'on nous propose, quoi. Tous les jeux qu'il y a, on sait vraiment pas quoi choisir. Donc, du coup, le joueur, il va aller forcément vers des classiques ou des valeurs sûres. Je pense que des plateformes de distribution qui ont une vraie ligne éditoriale, qui vont cibler, on va dire, on va faire que du RPG, on va faire que du hentai, je sais pas. Il y en a. Je pense que ça peut avoir un avenir. C'est-à-dire, voilà. Pas être généraliste, mais essayer de se spécialiser un peu comme les labels. Et GOG, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Hein. Par exemple, ils rejettent tous les jeux qui viennent du mobile. Ils ne veulent pas ça sur leur plateforme. Et c'est vrai que c'est beaucoup jeux stratégie, jeux classiques, comme tu disais. Voilà. Je trouve que c'est une piste assez intéressante, mais à voir comment ça évolue. Et ben merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on refera probablement un épisode sur la commercialisation des jeux où on sera amené à parler de toutes ces questions de Season Pass et DLC à nouveau parce qu'il y a des tas de choses à dire. On est désormais à 1h20 de podcast bien passé. On a une dernière question pour vous deux. On va vous la poser à chacun d'entre vous pour clôturer un peu cet épisode. On va commencer par le dernier qui n'a pas parlé. À savoir Thomas, c'est notre question traditionnelle pour cette saison 4 de Ludologie. Thomas, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est ton plaisir coupable en jeu? Ah là là, j'étais prévenu, j'y ai pas du tout réfléchi. Donc, alors moi je joue mon jeu, on va dire plaisir coupable, c'est Counter-Strike en ce moment. Après des années avoir joué à ce jeu, je continue à jouer à ce jeu. Et je pense que ouais, le plaisir coupable, c'est de se mettre dans un coin avec un fusil sniper et de tuer des personnes, de tuer plusieurs personnes d'affilée comme un planqué, ouais. Effectivement, c'est assez coupable. Michael, toi, c'est quoi ton plaisir coupable en jeu? Ça peut être aussi bien un jeu qu'une pratique, hein, évidemment. Bah moi, en ce moment, mon petit plaisir de jeu, c'est Escape from Tarkov. Qui est un FPS ultra réaliste, très tactique, qui est fait par un studio russe, en fait, qui est complètement impitoyable. On est lâché sur une map avec l'équipement qu'on a pris dans de nos tâches. Et si on arrive à sortir de la map, à trouver la sortie, on garde tout l'équipement qu'on a réussi à looter. Donc, soit en tuant d'autres joueurs, ou soit en lootant des boîtes. Par contre, si on se fait tuer, on perd tout le stuff qu'on a sur nous. Donc, en fait, c'est hyper rageant qu'on se fait tuer. Et en plus, on se fait tuer très, très vite. Et voilà, c'est un plaisir, on va dire, masochiste. Parce que c'est... c'est ouais, c'est pas coupable, là, c'est masochiste. C'est encore pire. Et voilà, en fait, moi, j'adore les jeux comme ça où, en fait, la défaite est vraiment ragé, quoi. J'aime bien perdre. J'aime bien perdre et ça permet d'être plus fort. Et voilà. Ok. un rageux et un campeur. On avait des bons invités. Merci beaucoup à vous deux. Merci Adrien. C'était un plaisir de vous entendre. Et puis en plus, on a appris des tas de choses. Pour nos auditeurs, on espère que ça vous a plu aussi, bien évidemment. On vous retrouve dans 15 jours avec un nouveau numéro de Ludologie. Quand je dis on vous retrouve, ce sera peut-être d'autres personnes de l'équipe, bien évidemment. Mais en tout cas, l'équipe Ludologie vous retrouve dans 15 jours. Normalement, dans 15 jours, à moins que ce soit les vacances de Noël, comme on est en désynchronisé, on est un peu perdu. En tout cas, ça vous laisse quelques temps pour continuer de jouer, pour essayer des jeux, et puis pourquoi pas, si vous voulez commencer à en développer, maintenant que vous avez toutes les ficelles pour les financer, vous savez qui aller voir pour, si vous cherchez un consultant pour monter un Kickstarter, vous êtes rencardé à fond, donc on vous laisse tranquille pendant 15 jours, on vous laisse phosphorer, on vous retrouve avec des nouvelles idées, de nouvelles réflexions. D'ici là, bien évidemment, n'oubliez pas de jouer.